Laboratoire au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Une femme qu'on viole est une femme qu'on torture. Une femme violée est une femme blessée, meurtrie, abaissée, humiliée. Parfois, pour sa vie entière. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire les problèmes qui diffèrent. Solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le 16 décembre dernier, une jeune étudiante indienne a été victime d'un viol collectif dans un autobus de New Delhi pendant que son compagnon qui tâchait de la protéger était frappé avec une barre de fer. La police a mis longtemps à venir les secourir et à l'hôpital, les médecins les ont traités avec une condescendance ostensible. La jeune femme est morte, morte de ses blessures, 2 semaines plus tard, à Singapour, où elle avait été transportée. Un puissant mouvement de protestation depuis lors parcourt le pays, un mouvement qui est sans précédent et qui réveille le féminisme. Il ne réclame pas la protection des femmes, mais d'abord leur liberté de se mouvoir sans danger dans l'espace public. Or, il se trouve que ces événements font un écho douloureux au manifeste retentissant qu'en France, 313 femmes ont signé derrière Clémentine Autain dans le Nouvel Observateur du 22 novembre dernier pour dire avec éclat qu'elles avaient été elles-mêmes violées et que la réponse de la société, notamment par le fait de la police et de la justice, demeurait, en dépit des progrès de la législation, gravement insuffisante. Alors qu'il y aurait en France, nous dit-on, un viol toutes les 7 minutes. Georges Vigarello, mon invité ce matin, a publié naguère en 1998 une histoire du viol qui a été saluée à l'époque et depuis lors comme une contribution majeure et très neuve à la connaissance de ce crime et de ses effets depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Nous allons voir ensemble que la manière dont la société de siècle en siècle l'a considérée, châtiée, ignorée, éventuellement refoulée ou excusée, que cette manière est destinée à apprendre beaucoup dans le long terme sur les relations entre les hommes et les femmes, le poids des hiérarchies sociales, la place de cette violence parmi toutes les autres, notamment durant les guerres, et en définitive à faire comprendre comment un impératif moral tout simplement élémentaire a pu être étouffé par les préjugés, les hypocrisies, et derrière le fragile vernis de la civilisation, les cynismes souvent complaisamment tolérés. Et pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour porter plainte? Au début, je ne voulais rien dire. Je voulais oublier tout ça. C'est une erreur. Mais quand j'ai retrouvé le garagiste, je me suis décidée. Ces jeunes gens disent que dans le café, vous leur avez souri d'une manière assez encourageante. Qu'il y avait une certaine forme de consentement de votre part. J'ai été enlevée. Brutalisé, violé. Il n'y a jamais eu de consentement. Ce n'est évidemment pas très prudent de se promener seul sur les routes désertes à la tombée de la nuit. Mais enfin, je ne vais pas rester cloîtré chez moi sous prétexte qu'il y a des violeurs. J'allais tranquillement dîner chez des amis. Bien sûr, mais nous vivons dans un monde de violence et il faut en tenir compte. Et subir? Non. Non, mais nous ne changerons pas le monde. Pourquoi? Enfin, ces jeunes gens prétendent qu'au début, il s'agissait d'un jeu de part et d'autre. Vous savez, une attitude un peu libre peut laisser supposer... Quelle attitude? Il faut être prudente, très prudente. Mais les femmes, parfois, jouent avec le feu. Mais je vous répète que je ne leur ai pas prêté attention avant qu'ils m'agressent. Vous savez, la frontière entre le consentement et le non-consentement est fragile. Un geste, un regard peut être interprété. Mais enfin, madame le juge, qui est l'accusé? Eux ou moi? Georges Vigarello, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé, pour ouvrir notre conversation sur l'histoire du viol, je vous ai proposé un extrait d'un film qui s'appelle « L'amour violé » de Yannick Bellon, un film de 1978 avec, dans cette scène, Nathalie Nel qui joue le rôle de Nicole, la jeune femme qui a subi cette agression, et Lucienne Hamon qui joue le juge. C'est un film qui s'est voulu délibérément militant en 78. L'auteur Yannick Bellon entendait choquer, elle entendait éveiller les consciences jugée par elle somnolente, elle entendait provoquer l'opinion et donner l'alarme, et pour cela parcourir méthodiquement les pièces d'un dossier, une pièce d'un dossier qu'elle voulait examiner à fond. Il me semble que beaucoup de choses sont déjà dites dans cet extrait. Oui, alors c'est un extrait que je trouve tout à fait passionnant parce que à la fois il présente des problèmes qui sont tout à fait contemporains, l'hésitation à porter plainte, l'exigence du juge qui veut savoir exactement comment les choses se sont passées, la façon dont la victime se défend en disant bah, après tout vous allez trop loin, vous ne comprenez pas que j'ai été victime, donc ça renvoie vraiment à des questions qui sont contemporaines et en même temps ça renvoie à des questions qui sont tout à fait traditionnelles. Autrement dit, la très difficile question du viol tient au fait qu'il est particulièrement ardu de désigner ce qui est de l'ordre, comme le dit d'ailleurs la juge dans l'extrait que vous avez présenté, désigner ce qui est de l'ordre du consentement et du non-consentement. Et dans cet extrait, c'est très bien montré. Mais cet extrait renvoie, je le répète, à des situations qui sont traditionnelles. Parce que la grande question des juges dans les époques passées portait sur le consentement. Et ils avaient, pour tout dire, une vision relativement sommaire. Que disait-il ? Et que nous appellerions volontiers sexiste. Exactement, que disait-il ? Eh bien, il disait, mais s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de cri, s'il n'y a pas de démonstration précise de la violence, il n'y a pas viol. Et ils allaient encore au-delà en disant, mais vous savez, et c'est très clair dans les textes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'est très clair dans la jurisprudence et dans les dossiers de procédure, ils disaient, mais vous savez, une femme qui a déjà connu la relation sexuelle, ben, c'est une femme qui, après tout, peut peut-être accepter. Donc il y avait une vision qui, bien sûr, n'est plus exactement la nôtre, mais il ne faut pas oublier que cette vision a duré longtemps et sans doute continue-t-elle de fonctionner dans le souterrain de nos propres consciences. Il disait, mais vous savez, une femme qui a déjà connu le rapprochement sexuel, qui a déjà connu la vie sexuelle, après tout, peut se laisser convaincre. Donc là, on retrouve cette idée terrible qui est, où se situe vraiment le consentement ? Et l'autre idée, c'est qu'une femme qui veut se défendre en est toujours capable. C'est une idée qui a longtemps prospéré. Et ce fameux épisode qui est régulièrement repris par les jurisprudents du XVIIIe siècle, l'anecdote de Bruno, c'est un auteur du temps qui explique qu'un juge qui avait contraint un homme accusé de viol de remettre un sac d'écus à son accusatrice, s'est ensuite, parce qu'il était saisi de doute, attaché à autoriser l'homme à reprendre la bourse par tous les moyens, et la femme avait été capable de l'en empêcher. Alors s'il a été empêché de reprendre cette bourse, elle devait aussi être capable de l'empêcher de la violer. Oui, alors ça, on retrouve cette sorte d'hésitation traditionnelle et, disons le mot, de misogynie traditionnelle, sans laquelle la femme peut toujours se défendre. Il y a aussi cette image de Voltaire qui m'a toujours surpris personnellement quand je la lis et qui est la suivante. Mais dit-il, vous savez, une femme ne peut pas être violée, une situation très concrète le montre. Lorsque vous essayez de faire pénétrer une épée dans un fourreau et que la personne qui tient le fourreau fait bouger le fourreau, eh bien l'épée ne peut pas rentrer. Et donc du coup, une femme peut aussi se défendre. Alors c'est très important dans la tradition, ce type de position. Le juge de cette anecdote dit que la femme aurait pu sûrement encore mieux défendre son corps que son argent si elle l'eût voulu. Exactement. Donc la plainte devient un mensonge. Donc la plainte devient un mensonge et le doute finalement est extrêmement fort de la part du juge. Mais ce doute continue d'exister, c'est ça qui est, je dirais, tout à fait caractéristique de ce type de crime, qui le rend différent des autres crimes. Parce que ce type de crime comporte quelque chose qui est de l'ordre du psychologique. Et c'est très difficile à montrer. Et ce psychologique est lié, par exemple, à la peur, est lié, par exemple, à une sorte de trouble, est lié au sentiment que vous êtes soumis à de la menace. Mais comment, très précisément, le montrer ? Ça rend vraiment, on le voit de la part du juge d'ailleurs, ça rend vraiment cette situation affreusement horrible et affreusement complexe. Et parce que le juge ou la société peut vous dire, à vous, femme violée, que vous auriez pu l'éviter, du même coup, il y a une sorte de glissement qui est de tous les temps où la femme en question, on risque de lui dire qu'elle est d'une certaine façon coupable puisqu'elle s'est prêtée au crime. Mais vous voyez, c'est un crime vraiment qui a une dimension psychologique affreuse. Parce que quand vous dites cela, vous vous mettez dans la situation du juge qui a le sentiment que, au fond, elle aurait pu se défendre. Mais si vous vous mettez dans la situation de la victime, on voit très bien dans leurs commentaires que certaines d'entre elles ont le sentiment qu'elles, finalement, elles ont été trop faibles, qu'elles auraient peut-être pu faire davantage. Ce qui rend ce crime, je répète, tout à fait caractéristique et qui montre la dimension d'horreur de ce crime. Parce qu'elle s'y ajoute une partie psychologique affreuse. Elle se laisse en somme investir par une responsabilité qu'on essaye de leur imputer du dehors. Exactement, exactement. Elle se laisse gagner par ce sentiment qu'après tout, elles auraient pu faire plus. Alors regardons les choses maintenant sur la très longue durée, si vous voulez bien. On peut remonter jusqu'au code d'Hammurabi, qui est la première mention écrite du viol, et qui distinguait viol et adultère, qui prévoyait qu'une femme mariée et un homme étant surpris ensemble, en flagrant délit, les deux devaient être noyés. Mais c'est parce qu'il y a une dimension morale. Alors la honte rejaillit sur la victime. Pourquoi ? Parce qu'elle a été mêlée à une situation qui est une situation sulfureuse. Elle a touché en quelque sorte à la situation sulfureuse. Et si cette situation, elle est considérée comme encore plus sulfureuse par la dimension religieuse que vous pouvez y mettre, dans la mesure où violer quelqu'un, c'est rompre le contrat en quelque sorte avec Dieu, si on peut dire. C'est offenser Dieu. Bien. Donc la victime, elle est mêlée à cette situation-là, elle est touchée, elle est compromise, et ce type de repère est extrêmement fort dans le temps, à un point tel que, dans des cas de bestialité par exemple, c'est la bête elle-même qui est également tuée. Dans la mesure où elle est compromise par la façon dont l'agresseur s'est comporté à l'égard d'elle. Mais vous le voyez aussi dans des situations qui aujourd'hui continuent d'exister mais sont jugées autrement. Vous le voyez aussi dans des situations par exemple d'inceste. Et des incestes qui durent. Ou des incestes qui aboutissent à une grossesse et à une naissance. Et à ce moment-là, que disent les juges? Je pense à un cas très précis du XVIIe siècle avec une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Anne Aubillard. Que disent les juges? Mais ils disent, mais elle a consenti, elle est restée longtemps, elle a eu un enfant, et donc elle est compromise. Et dans la condamnation, on voit la condamnation évidemment grave à l'égard du père lorsque la condamnation a lieu, et répétons-le, elle n'a pas toujours lieu. On voit le fait que le père est envoyé aux galères, mais on voit que la fille est bannie. Elle est bannie 9 ans, par exemple, exclue de la ville, vous voyez. L'antiquité grecque et romaine était plus indulgente pour le viol. On le voit bien dans le fait que la mythologie, que l'histoire des dieux raconte constamment des viols par Zeus et par d'autres. Il y a l'enlèvement de Perséphone par Hadès, de Daphné par Apollon, de Cassandre par Ajax, et même d'Andromaque par Hector. Oui, ou l'enlèvement des Sabines. Mais sans doute parce que l'Antiquité voit d'une manière beaucoup plus immédiate et centrée une dissymétrie entre l'homme et la femme, une ascendance absolue de l'homme. Vous savez, la femme dans la situation grecque, elle a relativement peu d'existence sociale. Qui connaît le nom de la femme de Socrate? Qui connaît le nom de la femme de Démosthène? À la limite, on connaît éventuellement l'amoureuse de Démosthène, mais on ne connaît pas le nom de sa femme. Donc il y a Aspasie, donc il y a une sorte de rejet de la femme dans sa position sociale. Et du coup, évidemment, les positions de violence, les positions de dissymétrie et les positions d'ascendance sont beaucoup mieux et acceptées. Il y a une donnée nouvelle avec le christianisme, au moins dans ses débuts, une promotion, la chasteté et le respect des vierges. L'Église défendant d'abord les femmes veuves et les vierges consacrées. Cette donnée est extrêmement importante parce qu'elle ajoute en quelque sorte à la situation de viol une sorte de franchissement d'un obstacle qui est considéré comme absolument intangible et qui est la virginité. Et dans la difficulté du jugement de viol, on voit très bien que pendant longtemps, c'est quasiment seulement la virginité qui est prise en compte. Les auteurs disant, je répète ce que je disais tout à l'heure, les auteurs disant, une femme mariée, après tout, c'est très difficile de voir si vraiment il y a eu consentement, non-consentement, très difficile de juger. En revanche, pour la virginité, on peut effectivement juger, parce que il y a des traces, il peut y avoir du sang, etc. Mais même, vous savez, même sur la question de la virginité, on voit bien qu'il y a là encore une difficulté à juger, il y a une difficulté à partager, il y a une difficulté à dire exactement quel est le type de blessure. Les médecins légistes ont le plus grand mal à décrire de façon claire les organes génitaux féminins. Je pense à Ambroise Paré, qui est persuadé que le sexe féminin est recouvert d'une taie, c'est-à-dire d'une toile. Et que cette toile, au fond, il faut la briser. Mais vous avez d'autres auteurs à la même époque qui disent qu'il n'y a absolument pas d'hymen, qu'il n'y a absolument pas de toile. En conséquence, quelles sont les preuves, vous voyez ? Et puis il y a un climat général de violence qui est dans l'ambiance du Moyen-Âge et qui fait que le viol prend figure d'un de ces aspects parmi d'autres de cette violence. Écoutez cette lecture d'un texte de 1483. C'est une lecture tirée des Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff, une lecture par Jean-Pierre Leroux qui remonte au 30 janvier 1989. Jeannette, fille de feu Gabriel Pinjon et d'Isabeau, jadis sa femme, de Failly, près de Langres, servante de Aubert Aubriot, âgée d'environ 18 ans, interrogée et examinée sur le contenu de la dite requête à elle lue mot à mot, dit par son serment donné aux saints évangiles de Dieu que, le soir et environ l'heure déclarée, elle fut prise, battue, tirée par les cheveux et emmenée à force outre son gré et volonté. Et fut menée, criant, par les rues, par les nommés, en la dite requête en l'hôtel de Monseigneur d'Anvilliers. Et là, eurent sa compagnie charnelle, le dit seigneur, et aussi un nommé Louis Régnard d'Auxonne. Ne sait combien de fois, et coucha avec le dit d'Anvilliers, dont elle se plaint et requiert justice. Et le lendemain, le dit sire d'Anvilliers ordonna à son varlet qu'il lui alla ouvrir lui du dit hôtel et qu'il la mit dehors. Ce qu'il fit. Au moyen des dix outrages, la dite pauvre servante est abandonnée et a perdu son bien et honneur, et elle s'en retourna en l'hôtel de ses dix maîtres et maîtresses qui ne l'ont voulu recevoir, craignant d'être battue. On sent là très fortement, à propos de cette anecdote, Georges Vigarello, d'une part l'ambiance générale qui est celle d'une violence urbaine notamment, et puis les aspects sociaux de ce crime. Il est plus grave de violer une femme quand on est en bas de l'échelle sociale que quand on est en haut de l'échelle sociale, et ces inégalités-là se reflètent dans le regard des contemporains et des juges. Oui, effectivement, il y a bien deux versants dans l'anecdote que nous venons d'écouter. Il y a un premier versant qui est sans doute oublié par nos contemporains. Ce premier versant, c'est une présence très forte de la violence dans les époques anciennes. Au quotidien. Qui est lié sans doute au fait que l'État s'arroge moins la responsabilité du contrôle qu'il ne le fait aujourd'hui, que les agents, les personnes, les hommes et les femmes ont le sentiment qu'ils peuvent se venger eux-mêmes et qu'ils peuvent finalement intervenir de manière violente pour régler un problème ou un autre. Ça sent peut-être dans l'épisode indien d'aujourd'hui, il y a une différence d'évolution entre l'Inde et l'Europe occidentale. Bien sûr. Donc il y a une sorte de violence latente qui m'a beaucoup frappé quand je travaillais sur cette question. Et ce sur quoi j'insistais personnellement, c'est le fait que le viol dans ces périodes anciennes ne peut pas être analysé en dehors de cette mise en perspective d'une violence latente où les coups, en quelque sorte, existent dans le quotidien, même si la société n'est pas à feu et à sang. Il faut que la société fonctionne. La deuxième dimension est tout aussi intéressante, sinon plus, et elle porte sur le fait que la gravité est mise en parallèle avec la situation sociale. Et je pense qu'il faut ajouter, pour bien comprendre cette mise en parallèle, il faut ajouter le fait que, en fonction même de la situation de la femme, le viol est perçu comme atteignant le mari ou atteignant le tuteur, c'est-à-dire atteignant celui qui est en responsabilité de la femme considérée comme mineure. Or, bien entendu, le statut du tuteur, le statut du mari, le statut du frère est très important dans la manière même dont le viol est soumis à une gravité plus ou moindre. Ça me paraît absolument fondamental. Je te citerai un exemple qui m'a profondément frappé quand je travaillais sur la question, c'est celui des prostituées. Dans le droit ancien, disons le droit du XVIe et du XVIIe siècle, la prostituée est considérée comme susceptible de subir de la violence. Et dans bien des textes, on dit la violence provoquée sur la prostituée n'est pas considérée comme grave. Une première gravité s'instaure lorsque la prostituée est mariée. Parce qu'à ce moment-là, c'est le mari qui est concerné. Et donc, il est possible, du coup, d'aboutir à une condamnation. Troisième situation, qui montre bien la question sociale, troisième situation, si le viol se produit dans la maison du mari, la gravité n'en est que plus grande. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dissocier cette question de la dimension sociale qu'elle peut avoir. Cette violence que vous évoquez renvoie dans notre contemporain à la violence de guerre, où le viol devient une sorte de viol de guerre. On l'a vu pour la dernière fois en Europe, notamment à l'occasion des guerres de l'ex-Yougoslavie, de Bosnie et d'ailleurs. C'est là qu'on voit bien que cette question, elle peut être mise précisément en relation entre un passé et un présent. Alors le passé, je pense au texte de Brantôme, le passé nous dit pénétrer dans un pays, c'est posséder le pays. Mais pénétrer le pays, vous voyez bien la métaphore, c'est aussi pénétrer les habitants et en particulier les femmes. Et Brantôme va si loin qu'il dit, les femmes d'ailleurs en retirent du plaisir parce que elles deviennent admiratrices de leur propre vainqueur. Bien, je ne dis pas que c'est la situation qui existe aujourd'hui dans les guerres, mais je dois dire effectivement que malheureusement, les guerres continuent de faire fonctionner cette idée selon laquelle vous pouvez pénétrer le pays, et en pénétrant le pays, vous pénétrez son féminin du pays. À quoi s'ajoute, je crois, et qui fait le côté totalement tragique de ce qui s'est passé en Yougoslavie dans les années 90, à quoi s'ajoute que les violeurs ont le sentiment d'atteindre l'ethnie même du public qu'ils agressent, et que du coup, ils transforment la situation des enfants à naître après les viols. C'est probablement d'ailleurs sous la même lumière qu'on peut considérer les débats actuels qui agitent le Japon, avec ce nouveau Premier ministre qui souhaite qu'on ne marque pas trop de repentance à l'égard des fameuses femmes de confort, c'est-à-dire les prostituées, que notamment en Corée, on avait contraint d'entrer dans des bordels au profit des soldats d'occupation. Oui, malheureusement, effectivement, c'est dans la même mouvance culturelle, dans le même type d'esprit que l'on a, malheureusement, j'ajoute, ce type de réaction. Cela dit, il y a aussi un problème qui est très difficile à résoudre et que celui de la repentance historique. Ce texte de 1483, on est frappé aussi du fait que la femme devenant impure, est rejetée par ses maîtres et rejetée par toute la société. C'est pour ça que le problème de la virginité, qui est une forme de reconnaissance importante dans le monde catholique, c'est pour ça que le problème de la virginité est en fait complexe, dans la mesure où, si cette virginité est atteinte, c'est la personne elle-même qui est atteinte. Mais il faut ajouter une remarque qui me paraît très importante sur cette question. C'est que, quand nous parlons de cette atteinte en fonction de la virginité, nous ne parlons pas d'une question psychologique. Nous parlons d'une question morale et nous parlons d'une question sociale. Et c'est en cela que le viol, pendant très longtemps, lorsqu'il atteignait une personne vierge, était considéré comme grave, mais grave pour des raisons sociales et pour des raisons morales, et pas pour des raisons psychologiques. La conscience même de la victime n'est pas encore prise en compte. Cette période qui précède la Révolution française est aussi celle où on a tendance à dire que lorsqu'il y a eu un crime de ce genre, un viol, on peut même du côté de la justice en admettre l'existence, la meilleure façon est probablement d'organiser des accommodements, c'est-à-dire souvent d'apporter des avantages matériels à la famille de celle qui a été violée pour éviter qu'on en fasse trop la publicité. Et cela est vrai jusque très récemment, probablement. Absolument. Un autre extrait de ce très beau film de Yannick Bellon de 1978. Vous allez voir comment les parents d'un des violeurs cherchent un accommodement avec la victime. Mademoiselle, c'est une fâcheuse histoire. Mais vous savez, tout finit par s'arranger, hein, entre gens de bonne volonté. Je suis cartésien et j'aime bien regarder les choses en face. Je ne fuis pas mes responsabilités. Oui, mon mari sait sortir des situations les plus délicates. Notre fils s'est conduit comme un imbécile. Comme un voyou. Oh oui. Après tant de sacrifices, tant de privations, on n'est pas récompensé. Oui, c'est bien vrai, vous savez, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a fait pour lui. Enfin, tout ça, c'est du passé. Si nous tournions maintenant vers l'avenir, alors, il paraît que vous allez vous marier. Oui, en principe. Les jeunes mariés, les débuts sont souvent difficiles. L'installation du petit nid. Ah oui, ça cause des problèmes maintenant. Le logement, les meubles. Et nous aimerions beaucoup nous faire pardonner. Et que vous acceptiez. Et peut-on savoir, vous l'estimez à combien, mon cul? Ne vous donnez pas tant de mal. Je ne retirerai pas ma plainte. Mademoiselle a sa fierté. Il ne s'agit pas de fierté. Quand on est violé, ce n'est pas par hasard. Est-ce qu'on me viole, moi? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Le monde est un vaste fumier forniquant. 3 milliards d'habitants sur la Terre. Est-ce que vous avez déjà pensé aux millions de coups que l'on tire chaque nuit dans le monde? Des millions et des millions, avec ou sans consentement. Alors votre petit viol à vous, hein, c'est beaucoup de bruit pour rien. Vous êtes un peu, comme qui dirait, noyé dans la masse. C'est Marco Perrin qui interprétait le père, André Damant, la mère, et je rappelle que Nathalie Nel était Nicole, la femme qui avait subi l'agression et le viol. Georges Vigarello, il me semble qu'il y a beaucoup à apprendre ou à comprendre à partir de cet extrait et du renversement qui, au mi-temps de l'archive, vient changer complètement l'attitude du père. Bien sûr, mais la première chose qu'il faut dire, c'est que ces tentatives d'accommodement sont liées à la façon même dont le viol est perçu, c'est-à-dire, au fond, une dégradation subie par la femme et une dégradation qui risque d'être publique. Du coup, les acteurs tentent d'entreprendre des négociations pour que cette publicité n'existe pas. Et en compensation, ils donnent, bien entendu, de l'argent. Ce comportement, c'est un comportement traditionnel. C'est un comportement qui se voit pour les violences en général, mais qui se voit plus particulièrement encore pour les violences sexuelles, puisque, comme je le disais, elles entraînent des atteintes morales et sociales. Et on le voit très bien dans les dossiers de procédure. La tentative faite par les parents, la tentative faite par les proches, même parfois dans les dossiers de la fin du XVIIIe siècle, il y a des lettres qui sont envoyés par les voisins pour dire que l'agresseur, finalement, n'est pas aussi négatif qu'on le pense. Je pense en particulier à un cas qui s'est déroulé à la rue Serpente au XVIIIe siècle, où un propriétaire de billard agresse une jeune femme dans des conditions absolument atroces avec 2 amis, et finalement, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils négocient. Et on retrouve effectivement cette situation dans un certain nombre de comportements aujourd'hui, parce que aujourd'hui encore, même si la psychologie a fait d'énormes progrès et s'impose par rapport au social, on voit encore, bien entendu, le fait que la personne victime se sente au fond publiquement dévalorisée, d'où ces tractations. Mais ce qui est intéressant, comme vous le disiez dans l'archive, c'est que brusquement, lorsque la négociation montre qu'elle ne peut pas avoir lieu, brusquement, ceux qui font les propositions renversent et rentrent dans une sorte de position traditionnelle qui est évidemment affreuse et qui est la position de mépris et qui, au fond, devient celle de la position du violeur. Le mépris et le cynisme. Et le mépris et le cynisme, et je trouve que l'archive, de ce point de vue, est absolument remarquable. Il faut maintenant que nous considérions ce changement qui s'esquisse à la fin du XVIIIe siècle, avec, comme toujours, un retard des mentalités par rapport aux législations. La figure du grand seigneur libertin prédateur, c'est déjà le cas de Don Juan dans Molière, mais ça s'affirme à la fin de l'Ancien Régime, et ça s'incarne en particulier dans la personnalité du marquis de Sade. Absolument, oui, bien sûr. Ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle, c'est au moins 2 choses. C'est d'une part le fait de s'attaquer pour la première fois d'une manière un peu plus visible et un peu plus accentuée au tenant du pouvoir. Et on voit davantage de procès qui mettent en cause des nobles qui se sont comportés de façon violente. Et le marquis de Sade, de ce point de vue-là, en est un exemple majeur. Avec en particulier l'épisode d'Arcueil qui a beaucoup marqué les sensibilités et qui implique directement le marquis de Sade. L'épisode d'Arcueil est effectivement très important pour plusieurs raisons. D'une part parce que le comportement du marquis de Sade est sujet à jugement et il n'a pas pu parvenir à transiger, et d'autre part parce que l'on connaît de façon assez précise les circonstances de l'acte. Le marquis de Sade a enfermé dans une de ses maisons une passante et Rose Keller, et il l'a soumise à des violences. Alors que le phénomène est assez intéressant parce que ce sont pas des violences a priori sexuelles. Il n'y a pas de pénétration sexuelle. Il a fouetté, il l'a battu et il a joui, ce qui montre bien qu'il y a quand même une dimension sexuelle. Rose Keller a été enfermée. Il prétend l'avoir aidée, au contraire, en lui poussant un baume sur le corps. Après les sévices qu'il lui a fait subir, il prétend avoir été, au fond, assistant de cette dame, etc. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Et elle réussit à s'enfuir. Et elle porte plainte. Et là, la juridiction déclenche le mécanisme, alors que traditionnellement, ce mécanisme n'aurait pas été déclenché. Ce qui montre bien que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une prise de conscience a lieu, qui une fois encore, comme vous le disiez, n'est pas nécessairement une prise de conscience qui porte sur l'ensemble de la population et qui transforme totalement la vision du viol. Mais une prise de conscience a lieu qui met en cause les puissants. En dépit de ce que vous disiez sur les prises de position très surprenantes pour nous, des philosophes, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, très sévères pour les femmes violées. Oui, c'est cela qui est également surprenant, vous voyez. C'est qu'à la fois, la position juridique change, mais en même temps, la culture et les mœurs ne changent pas beaucoup. C'est très frappant de voir dans les descriptions chez Rousseau, au moins deux choses. La première, c'est lorsqu'il dit que la relation sexuelle implique toujours une domination de la part de l'homme. Et la deuxième chose chez Rousseau, qui est encore plus surprenante, c'est qu'il dit que l'anatomie de la femme est faite pour qu'elle ne puisse pas courir trop vite, de façon à ce qu'elle soit, c'est dans les textes, hein, de façon à ce qu'elle soit rattrapée et que l'homme puisse ainsi la dominer. De la même façon, chez Voltaire, il y a évidemment une vision, on le montrait tout à l'heure, une vision sur laquelle l'ascendance est parfaitement acceptable. Mais si on parle de Voltaire, on voit bien que lui aussi est quand même pris par une transformation culturelle. Parce que c'est un des premiers à condamner, par exemple, les castrats du pape. C'est un des premiers à dire, c'est pas normal que la papauté s'arroge le droit de transformer anatomiquement des enfants. De la même manière que c'est un des premiers à dire, le viol sur une enfant de 8 ans, c'est une horreur absolue. Donc Voltaire est à la fois dans son temps, puisqu'il prolonge les mœurs existantes, et en même temps il est en avance sur son temps, puisqu'il condamne un certain nombre de ces mœurs. Cette ambivalence me paraît se retrouver dans la législation de la Révolution, 1790, 91, 92, avec la permanence de certains comportements et un désir de changer et de s'intéresser moins à l'aspect moral des choses, probablement qu'à l'aspect social. Alors effectivement, c'est la deuxième chose que je voulais dire. La deuxième moitié du XVIIIe siècle est l'objet de deux déplacements, si l'on peut dire. Le premier, nous en avons parlé, c'est celui de s'attaquer davantage aux puissants. Et le deuxième, c'est de considérer autrement l'acte de violence lui-même. Et c'est très important, ce type de position. Nous disions tout à l'heure que la tradition consiste à prendre en compte la différence sociale et à aggraver l'acte lorsque les tuteurs sont des puissants ou à aggraver l'acte lorsque l'agresseur est quelqu'un de démuni. Que fait la Révolution française avec le code de 1791? Elle utilise un mot qui jusque-là n'était pas le mot traditionnel. Elle utilise le mot de viol. Le mot traditionnel, c'était le mot de rapt. Rapt de violence, disait-on. Que veut dire rapt? Ben, c'est soustraire la femme à ses possesseurs. Que veut dire viol? Simplement, c'est le fait d'agresser une personne. Et une personne dont l'autonomie est indiscutable. Donc là, il y a une position tout à fait nouvelle que je trouve personnellement tout à fait fondamentale. Donc cette évolution de la législation, qui à certains égards paraît propre à anticiper sur les comportements, les mœurs, même l'attitude du monde judiciaire, ces nouvelles normes, annonce un changement important qui va marquer le 19e siècle. Ah, je pense que le 19e siècle va être un temps où la justice va exercer une sorte de travail fondamental sur la vision du viol. Et en particulier, après cette nouvelle, de ce nouveau terme de viol, en particulier, que va inventer le 19e siècle? Plusieurs choses. D'abord, une hiérarchie dans la gravité des actes eux-mêmes. Jusque-là, nous avions rapt de violence, et puis des comportements qui étaient mal définis. Avec le code pénal de 1810, nous avons un nouveau terme qui va apparaître et qui va être celui d'attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur, c'est agresser quelqu'un sexuellement, pour employer les mots d'aujourd'hui, c'est agresser quelqu'un sexuellement sans qu'il y ait de pénétration sexuelle. Cela dit, entre parenthèses, le code pénal ne définit toujours pas le viol. Il laisse entendre qu'il s'agit d'une pénétration sexuelle, mais il ne le définit pas de façon claire. Mais au 19e siècle s'invente, et ça me paraît absolument décisif, s'invente un autre repère, j'allais dire une autre notion, très compliquée à présenter, mais très importante dans les faits, qui porte sur ce que l'on pourrait appeler la violence morale. Cette violence est d'abord définie à partir des actes produits sur des enfants. Dans la mesure où certains jugements, au 19e siècle, je pense au jugement de 1820 par exemple, vont disculper des agresseurs en disant « mais ils ont sans doute eu une relation sexuelle avec un enfant, mais ils n'ont pas commis de violence. Ils l'ont convaincu, ils ont eu une certaine douceur, etc. » Et évidemment, en 1820, c'est en partie accepté, dans la mesure où on dit « il n'y a viol que lorsqu'il y a violence », c'est dit de façon très claire, et en même temps, ça révolte des consciences qui sont quand même plus évoluées qu'elles ne l'étaient un siècle auparavant. D'où un travail considérable effectué à la fois par les juges, mais effectué aussi par la Chambre des députés, pour essayer de définir ce type de situation. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont dire « s'il y a attentat sur un enfant, si cet attentat est commis sans violence, mais si l'enfant a moins de 11 ans, c'est-à-dire s'il ne peut pas se défendre, s'il est trop fragile, il y a quand même un acte délictueux et même un acte criminel. Vous voyez ? Donc il y a une invention qui me paraît tout à fait fondamentale, qui consiste à dire qu'il peut exister une violence sans qu'il y ait un geste nécessairement agressif, sans qu'il y ait du sang. D'accord, et ça paraît fondamental, parce que ça renvoie précisément à une situation qui est au cœur de la situation du viol, savoir la menace, savoir la surprise. Et alors il y a une autre donnée qui est importante au XIXe siècle, c'est que la science commence à s'intéresser au violeur et à sa psychologie. C'est le temps où un certain nombre de médecins ou de scientifiques s'efforcent d'organiser une sorte de nomenclature des voleurs. Et ça va durer longtemps. Et écoutez cette archive qui est l'interview d'un gendarme à Rosny-sous-Bois en janvier 1980. C'est un extrait d'Interactualité. Ce gendarme décrit le profil type du violeur, c'est assez curieux. La machine Trilifiche, c'est une trieuse en fin de compte. Hein. Il s'agit d'une trieuse électromécanique qui nous permet de sortir, en fonction des paramètres affichés, les individus correspondant aux critères posés. Est-ce que l'on peut maintenant en déduire une sorte de portrait du violeur, ou est-ce qu'on peut en déduire déjà des grands traits, des grandes tendances ? Oui, il est possible de sortir les grandes tendances du violeur. Par exemple, dans les tailles, on s'aperçoit que les petites tailles, les tailles moyennes, regroupent environ 70% de notre population criminelle, alors que les grands individus ne comptent que pour 30%. Pour les tranches d'âge, des mineurs de 15 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, ça nous donne en gros 60% de notre population. Les gens de 26 à 50 ans représentent 30%. Au-delà de 50 ans, c'est pratiquement nul, en gros 10%. Nous trouvons une très forte proportion de gens pratiquant le viol dans l'Est de la France. Ensuite vient le Sud-Est. Et puis à égalité, nous pouvons parler du Centre et de l'Ouest de la France. C'est un peu étrange, non, cette statistique, Georges Vigarello ? Ah ben c'est pour le moins étrange. Cette tentative de chiffrer la façon dont le profil du violeur peut être repéré, c'est une tentative qui, à mes yeux, comporte une part d'imaginaire importante. Mais en même temps, elle est intéressante, parce que elle n'est pas traditionnelle. Comme tout imaginaire. Comme tout imaginaire, bien entendu. Elle est culturelle. La tradition, elle, renvoie le violeur, soit à quelqu'un qui n'a rien commis, soit à quelqu'un qui est de l'ordre de la transgression divine, c'est-à-dire rien commis auparavant, vous voulez dire, ou même sur le coup, on peut très bien considérer que finalement rien ne s'est produit, voyez, et il peut être disculpé, et c'est très présent dans la référence ancienne. Donc c'est un homme normal finalement. Mais si il est condamné, je parle de la tradition, je remonte au XVIe siècle par exemple, ou même un peu avant. S'il est condamné, c'est quelqu'un qui a transgressé la règle de Dieu, puisque le viol, à cette époque-là, est considéré comme un crime de luxure. Donc il a transgressé la règle de Dieu, du coup il relève du diable, il relève des comportements animaux, d'ailleurs il est souvent décrit comme une sorte de bouc puant, etc. Qu'est-ce qui se produit en revanche dans des temps qui sont plus proches de nous ? Eh bien des questions qui commencent à se porter sur « mais après tout, cette personne aurait-elle un profil ? Cette personne aurait-elle des caractéristiques ?» Alors bien entendu, ça secrète 1000 imaginaires possibles. Mais la question elle-même devient intéressante, vous voyez ? Parce qu'elle tente de préciser. Alors, très longtemps, cette précision, à nos yeux, est totalement ridicule. Je pense par exemple à la façon dont Gall, qui est un des premiers à essayer de définir le violeur, je pense à la façon dont Gall montre que le violeur est quelqu'un qui se caractérise par un cervelet très épais, puisque le cervelet renvoie à des comportements primaires, et donc il a un cou extrêmement épais. Vous avez du coup des médecins qui vont aller chercher à le cerner, je pense en particulier à un certain voisin qui, dans les bagnes de Brest, va chercher de déterminer, de repérer le violeur à partir des épaisseurs du bas de la tête ou du cou. C'est la grande période de la craniologie ou de la phrénologie. Oui, totalement. En plus, c'est en convergence avec cette période qui donne de l'importance au profil et au type de crâne. La bosse du crime. Exactement. Est-ce et puis vous avez, dans la deuxième moitié du 19e siècle, plutôt cette tendance en laquelle le violeur serait un homme dégénéré, serait un homme repérable par des dissymétries sur son visage, serait un homme qui serait marqué par une non-évolution, etc. Du même coup, ça renvoie à la question de la responsabilité, puisqu'il peut y avoir une prédétermination psychologique à ce comportement criminel. Et c'est en cela que cette recherche est intéressante, vous voyez, parce que à la fois, elle renvoie pour nous, bien sûr, à de l'imaginaire, mais en même temps, elle renvoie à une question qui tenaille, finalement, les observateurs et qui tenaille les juges, et qui est la suivante. suivante. Jusqu'où obéit-il à une nature qu'il a emportée? Jusqu'où obéit-il au contraire à une décision qui est volontaire chez lui? Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et évidemment, ça implique au 19e siècle un acteur dont nous n'avons pas encore parlé et qui est très important, et qui est le médecin. C'est-à-dire qu'on va faire appel à un certain nombre de médecins qui ne portent pas encore le nom de psychiatre, mais qui sont ce qu'on appellerait aujourd'hui des psychiatres, et qui vont dire, bah oui, il est fou, il est pas fou, et vous commencez à avoir des textes intéressants à partir des années 30, des années 40. Esquirol se pose cette question même avant, en 1820, vous voyez. Esquirol, le médecin. Le médecin, évidemment, le médecin psychiatre, et il dit, bah oui, il y a des cas où effectivement les individus sont emportés, ils ne se contrôlent pas, donc peut-être ne sont-ils pas aussi coupables qu'on le croit. Du coup, on voit bien que la question qui porte sur le violeur est une question qui n'est pas du tout négligeable, même si elle est résolue d'une façon, disons le mot, ridicule pendant très longtemps. Avec presque aussitôt la réflexion sur la responsabilité de la société. Ou bien le violeur est prédéterminé pour des raisons physiologiques, ou bien il peut l'être à cause de la pression de son environnement social. Absolument. Et cette question, on la voit naître à la fin du 19e siècle. Lorsque la criminologie, en quelque sorte embryonnaire, commence à s'affirmer, et où un certain nombre de psychiatres vont dire « mais c'est finalement l'histoire de l'individu qui le conduit à la situation où il est, c'est le milieu dans lequel il a vécu ». Donc il y a tout un ensemble de repères qui tentent d'être en quelque sorte mis en évidence, malgré bien entendu une réticence traditionnelle des juges pour prendre en compte ce type de repères. C'est ce qu'on aperçoit assez bien dans le film remarquable de Bertrand Tavernier qui remonte à 1976. Vous savez, le juge et l'assassin. Absolument. Avec Philippe Noiret qui interprète le juge et Michel Galabru qui interprète le criminel à répétition, qui s'appelle Bouvier dans le film et qui renvoie à un personnage historique qui était Vacher. Voici l'accordéon avec lequel Bouvier charmait peut-être ses victimes avant de les égorger. Quant à l'huile, les 12 victimes que nous connaissons ont été sodomisées. Je dis que nous connaissons parce que il y a tout lieu de penser qu'il y en a eu d'autres, au moins 20, dont 9 ont été violées. Et j'ai cru reconnaître dans ces viols le tour de main de celui que vous avez assez justement surnommé l'éventreur du Sud-Est. Et il ne tuait que des victimes sans défense? Toujours, et dans des endroits isolés. Bouvier tue méthodiquement, de manière scientifique. Et après, il disparaît, couvrant jusqu'à 60 kilomètres par jour. Croyez-vous que s'il était fou, depuis 3 ans, on ne l'aurait pas arrêté? Et ce chien enragé qui l'aurait mordu quand il avait 16 ans? Léché. Pas mordu. Nous avons des témoins. Faites entrer Bouvier. Gloire à Jésus! Gloire à Jeanne d'Arc! Gloire aux martyrs de tous les temps! Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Bouvier, ces messieurs sont des journalistes de Paris qui sont venus pour vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui a écrit que j'étais l'éventreur du Sud-Est? Il vaut mieux être un éventreur que de faire des éventreurs. Beaucoup de commentaires, me semble-t-il, Georges Vigarello, à propos de ce texte. L'idée du chien enragé qui aurait mordu ou léché, on revient à la question de la responsabilité de l'individu, puis la question de la responsabilité de la société, faire. En tout cas, cette affaire Vacher, c'est une affaire complexe, une affaire extrêmement riche. La première chose qu'il faut dire, sans doute, au-delà du doute qui peut porter sur le comportement autonome de Vacher, pour la première fois, la police tente un double repérage, d'une part, des explorations géographiques et d'autre part, des explorations sur les indices de l'acte lui-même. Peut-être faut-il ajouter le fait que dans cet acte, nous sommes confrontés à des cas dont il était relativement peu parlé, qui sont des cas de sodomie. Vous évoquez la sodomie. Ce sont des cas de sodomie dont il était relativement peu parlé. Quand vous lisez les textes portant sur les rapports à faire face à des situations de crimes sexuels, vous voyez que dans ces textes portant sur les modèles de rapports, je pense à des textes du XVIIIe siècle encore, vous n'avez pas d'indications sur les blessures qui peuvent être commises au niveau du sphincter anal. Et de la même manière, quand vous lisez les textes portant sur la façon, au fond, de condamner les agresseurs, vous voyez que la situation de sodomie est une situation tellement refusée dans la culture du temps et tellement refusée pour des raisons religieuses que la situation de sodomie mêle dans la même culpabilité ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler la victime et ce qu'on pourrait appeler l'agresseur. Donc le fait que cette prise en compte de la sodomie dans la deuxième moitié du XIXe siècle soit présente me paraît personnellement très important. Cela peut conduire aussi à une réflexion sur le viol des garçons, le viol des hommes. Mais bien entendu. Bien entendu, ça peut produire une réflexion sur le viol des garçons et sur le fait, vous voyez, déjà, on le voit au début du 19e siècle dans le code pénal de 1810, lorsque il condamne l'attentat à la pudeur. Eh bien, l'attentat à la pudeur peut renvoyer à un acte de sodomie, puisque ce n'est pas le viol commis dans les comportements violents de sexualité, appelons-la traditionnelle en mettant des guillemets. Donc on voit déjà l'émergence d'une prise en compte de la sodomie sur les garçons, puisque en 1810, on ne distingue pas garçon ou fille dans l'attentat à la pudeur. Dans notre contemporain, cela conduit à aujourd'hui une réflexion plus marquée à l'égard de la sodomie en prison. On voit bien que un des aspects de la critique de plus en plus prégnante de ce qui se passe dans nos prisons françaises, dans notre démocratie française, évoque cela en particulier. Loïc Lefort-Prigent a raconté à quel point ça l'avait marqué quand il était en prison. Oui. Ça l'avait bouleversé. Je pense que c'est bien. On voit bien que quand on travaille sur ce type de questions, on travaille sur des transformations de la culture et on travaille sur des transformations de mœurs. Et c'est évident que dans les situations de prison traditionnelles ou dans les bagnes, il y avait bien entendu des viols commis sur les prisonniers, mais qui étaient peu relevés. Et quand vous lisez l'histoire des bagnes écrite au début du 19e siècle ou même encore au 18e siècle, vous voyez qu'il y a une sorte de mépris à l'égard de ces comportements de la part des auteurs qui ne prennent pas en compte, qui ne voient pas en quoi ces comportements peuvent renvoyer la souffrance subie par les victimes. Et puis insensiblement, et en particulier aujourd'hui, cette souffrance est prise en compte. Mais évidemment, par rapport aux acteurs et par rapport aux militants de ce type de problème, elle n'est pas suffisamment prise en compte. Donc nous sommes bien, comme toujours dans ces types de questions de mœurs, nous sommes bien dans une sorte de situation d'équilibre où on attend que les choses changent parce qu'elles semblent ne pas avoir changé, et où en même temps, si on fait de l'histoire, on se rend compte qu'elles ont beaucoup changé. Un dernier mot sur ce film, Le juge et l'assassin. On voit surgir la presse. Le juge organise sa propre notoriété. Je crois qu'aujourd'hui encore, il arrive que des juges agissent de même. Mais bien sûr, et c'est très important. Mais vous savez, il n'y a pas que le juge qui tente sa propre notoriété. Il y a également la victime. Quelqu'un comme Vacher tente au contraire d'exister vis-à-vis de la presse et tente de promouvoir en quelque sorte son personnage, sans doute pour des raisons de narcissisme, sans doute aussi pour des raisons de défense, mais il écrit à la presse. C'est un des premiers à essayer d'exister sous cette forme de visibilité que le journaliste peut lui donner. C'est le temps, ce 19e siècle, c'est le temps d'une curiosité beaucoup plus nette de la presse pour le crime sexuel. Je pense à la Gazette des Tribunaux, mais aussi à toutes sortes de journaux populaires. Alors quand on regarde les journaux populaires, on voit plusieurs choses. On voit d'abord qu'il y a une incontestable montée, pour dire les choses de façon très simple, de l'exigence, de la sensibilité, du trouble à l'égard de la violence. Il suffit de regarder les couvertures du petit journal des années 1880. Dominique Khalifa a écrit un livre remarquable sur la question, publié chez Fayard, L'encre et le sang, qui montre qu'il y a effectivement une sensibilité à l'égard du sang dans la deuxième moitié du 19e. Mais on peut toujours dire que cette sensibilité n'est pas encore véritablement centrée sur la question sexuelle. Je prends un exemple. Lorsque cette presse s'intéresse aux enfants, elle a tendance à privilégier la violence exercée à l'égard des enfants et pas forcément la violence sexuelle. Quand je lisais ces passages personnellement, je voyais le mot d'abus. Et je lisais, il y a des abus absolument intolérables qui sont commis sur les enfants. Mais si vous continuez la lecture de ce passage, vous voyez que les abus en question, ce sont des violences provoquées par les parents et qui entraînent effectivement de nouvelles lois. Je pense à la loi de 1889 et à la loi de 1899 qui portent sur la violence des parents à l'égard des enfants. Mais cette violence, à cette époque-là, ne prend pas en compte, et c'est très surprenant, la violence sexuelle. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, cette question de la violence sexuelle devient absolument première. Je voudrais que nous terminions notre conversation, Georges Vigarello, en évoquant ce tournant que l'on peut aujourd'hui très nettement caractériser, qui est celui de la fin des années 70. Ces années 70 sont fondamentales, 1970, et au fond, cette rupture avec le passé date de ce moment-là jusqu'à ces années. Il y a plutôt une continuité par rapport au 19e siècle, alors que, à la suite en particulier du fameux procès d'Aix-en-Provence, les choses vont commencer d'évoluer, les législateurs se préoccupent de qualifier autrement le viol, c'est le temps aussi où on commence de condamner le harcèlement sexuel. Le paysage vraiment change énormément. Le paysage change, mais précisément parce que la culture change. Et en quoi cette culture change-t-elle? Mais elle change parce que c'est le statut de la femme qui change. Parce que le statut de la femme change doublement. D'une part, elle gagne en autonomie en entrant dans l'espace public dont nous parlions tout à l'heure et en étant une personne qui travaille et qui peut subvenir à ses propres besoins. Elle n'est c'est plus net nécessairement dans le cas indien pour l'émergence des classes moyennes. C'est très net dans le cas indien. Elle n'est plus nécessairement dépendante. Ça, c'est le premier changement fondamental qui a lieu dans la deuxième moitié du XXe siècle, même s'il est précédé par d'autres changements, bien sûr, à la fin du XIXe. Mais c'est un changement fondamental. Et le deuxième, c'est que dans cette autonomie, elle cherche quelque chose qui est de l'ordre de sa propre satisfaction, de son propre plaisir. Elle n'a plus à être dominée et elle a à rechercher elle-même ses propres satisfactions. D'où la situation intolérable du viol dans la tradition devient encore plus intolérable à la fin du XXe siècle. Et c'est ce que montre parfaitement le procès dont vous parliez, qui est le procès d'Aix. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Deux jeunes femmes qui remontent d'Espagne et qui vont vers la Belgique parce qu'elles sont belges, deux jeunes femmes s'arrêtent dans une calanque de Marseille, très précisément à la calanque de Morgiou. Elles sont abordées par un jeune homme en milieu d'après-midi qui essaie, au fond, de les séduire. Et il essaie de les séduire en manifestant une amorce de violence. Elles résistent, et ça encore, ça renvoie à une situation que je trouve contemporaine. Elles résistent, elles refusent, voire même répondent-elles par de l'agressivité à l'agressivité du jeune homme. Mais ce qui se produit, c'est que le soir, vers 10h du soir, alors qu'il fait nuit, le jeune homme revient avec deux amis. Ils entrent dans la tente et là, ils se livrent à des violences qui sont absolument atroces. Les jeunes filles se plaignent à la gendarmerie d'Aix. Cette gendarmerie enregistre l'acte comme étant coups et violences. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est très intéressant. L'acte n'est pas enregistré comme étant un acte de viol. Il est enregistré comme coups et violences. Et il faudra un travail considérable, en particulier de la part de Gisèle Halimi, qui défend les deux jeunes femmes. Qui avait déjà joué un rôle si important dans le procès de Bobigny, qui a conduit à l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, la loi Simone Veil, quelques années plus tôt. Qui est une autre manifestation de l'autonomie féminine, c'est précisément. C'est un ensemble à considérer. C'est un ensemble, je suis absolument d'accord, bien entendu, c'est un ensemble. Donc, le travail de Gisèle Halimi fait que la première qualification est transformée deux ou trois ans après, et effectivement, les agresseurs sont considérés comme des violeurs. On a dit que le procès des violeurs était devenu le procès du viol. Alors c'est en cela que le procès est vraiment très intéressant, parce que dans la manière dont Gisèle Halimi met en place finalement la défense, elle dit au moins trois choses. Elle dit d'une part que ces agresseurs ont eu un comportement qui est absolument atroce à l'égard des victimes, mais elle dit deuxièmement, et c'est très important, elle dit deuxièmement que cette attitude des agresseurs n'est pas totalement indépendante de la manière dont fonctionne la société. Autrement dit, le procès du viol, dit-elle, c'est aussi un procès de notre société, qui donne trop d'avantages à l'homme, qui est trop asymétrique dans la relation homme-femme. Et donc, au fond, les agresseurs sont les résultats d'une société qui tolère ce type d'agression. Ça, c'est pour la première fois que c'est dit dans un procès de viol. C'est l'accusation portant sur un type de société. Et la troisième chose que dit l'avocate, qui est très important, qu'on a perçue dans le premier entretien que nous avons écouté en début d'émission, la troisième chose qu'elle dit, c'est que les victimes ne sont pas simplement atteintes d'une façon morale et d'une façon sociale, elles sont atteintes d'une façon psychologique. C'est la première fois que dans un procès on entend ce genre de choses. Elles sont soumises à quelque chose qui est dans un trauma. Autrement dit, leur vie est atteinte. Leur vie est atteinte dans la manière même dont elles existeront ensuite. Et il y a des témoins qui vont dire, vous avez tué une mère en particulier, ça, vous avez tué ma fille. Et donc, pour la première fois, on voit très bien que une relation est mise entre l'attitude de l'agression sexuelle et la façon dont on brise, finalement, l'intégrité de quelqu'un pour une durée qui peut parfois être indéterminée. C'est d'ailleurs quelques années plus tard qu'on peut entendre à la radio, on est en 1983, le témoignage que voici, témoignage d'une femme violée sur le traumatisme, un témoignage qu'il aurait été peu concevable d'écouter sur les ondes de la radio d'État une dizaine ou une vingtaine d'années plus tôt. Je ne voulais plus qu'on me touche. Mon corps était finalement comme un espèce de fœtus qui était replié sur lui-même. Mettons que si on me touche, d'une façon très sensuelle, je vois arriver ma cave, la couverture, l'horreur, quoi. Bon, Maintenant, ça a évolué quand même. Bon, j'ai de la chance que ça ait évolué et que là aussi, enfin, il y a eu un sursaut parce que c'était pas possible à 30 ans de se voir terminé. Pour l'instant, je ne m'épanouis pas en tant que femme. Maintenant, je revis un peu. Puis bon, là, pour moi, c'est un anniversaire de 2 ans. Vous voyez, ma vie est en quelque sorte cadencée par mon viol, par le jour où j'ai été le reconnaître, par le jour où j'ai été voir le juge d'instruction, sur l'attente, enfin, tout ça. Et j'ai des points de repère encore actuellement. Je m'en souviens tous les jours. C'est certain que la première journée où je ne m'en souviendrai plus, je peux vous dire que ça sera pour moi une espèce de victoire quand même. Ce qu'il faut ajouter peut-être sur le problème du trauma, c'est qu'au fond, la notion de trauma, elle naît à la fin du 19e siècle. Et elle naît dans des situations d'accident. Je pense en particulier au chemin de fer. Les graves accidents qui traversent le corps des individus et qui laissent des marques indélébiles, c'est la première fois que le mot de trauma est utilisé. Mais concernant ce type de crime, là encore on voit la lenteur de l'installation des problèmes. Concernant ce type de crime, le mot trauma n'est vraiment utilisé qu'à partir des procès 70, vous voyez. Et heureusement, et aujourd'hui, il est devenu plus important encore qu'il ne l'était. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que quand on est en position de militantisme aujourd'hui à l'égard de ce type de problème, on a le sentiment que peu de choses sont faites sur cette question, que peu de défenses sont faites à l'égard des victimes qui sont indiscutablement brisées. Et c'est vrai que il y a par exemple, en gros, selon les statistiques, que un viol sur 10 qui est l'objet d'une poursuite judiciaire. Donc nous sommes encore très loin d'une prise de conscience vraiment aiguë de cette question. Et en même temps, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu un travail considérable juridique de fait pour essayer de clarifier les phénomènes, pour essayer de clarifier la façon dont les actes ont pu se produire, pour essayer de clarifier la manière dont la victime est atteinte. Donc on ne peut pas oublier ce travail de justice. Et, vous voyez, et je crois que nous en sommes aussi tributaires. Simplement, nous sommes, et je comprends parfaitement que les militants soient déçus de la situation actuelle, nous sommes dans une situation où un immense plus peut être encore fait. Eh bien, ce sera très opportunément le mot de la fin pour notre conversation sur cette histoire du viol auquel Georges Vigarello vous avait consacré, je le rappelle, un livre qui a été publié au Seuil en 1998 et réédité ensuite et qui est disponible en livre de poche. En livre de poche, point Seuil, absolument. Vous êtes aussi l'auteur de l'histoire du corps en 3 volumes avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine. Vous avez dirigé des contributions diverses. C'est un livre paru en 2005-2006 qui a été réédité en livre de poche en 2011. Et puis je voudrais aussi rendre hommage, entre autres ouvrages que vous retrouverez sur notre site, rendre hommage au livre de Daniel Salnave, Viol, qui est paru en 1997. C'est sous forme romanesque l'histoire d'une visite entre une sociologue et une femme qui vit dans des conditions très très précaires de cité ouvrière du Nord. Et dont le mari est en prison pour avoir violé sa fille. Vous trouvez là des observations qui sont, je crois, très, très actuelles et très précieuses. Vous pourrez retrouver les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez, bien sûr, écouter, réécouter et conserver par téléchargement l'émission que vous venez d'entendre. Samedi prochain, nous parlerons avec André Vaucher du thème de l'Église et la sexualité. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le concours de Jeanne Guéroux et de Nathalie Lempereur, réalisée par Patrick Molinier, avec Bruno Gagnère-Fontani à la prise de son, et Catherine Louis et Véronique de Saint-Pastou pour les archives INA.